La souris reconnaissante. Un pauvre marchand colporteur s'en allait à pied dans les montagnes de la Bohême, la bourse vide. Il était encore loin de toute habitation et il n'avait plus qu'un petit morceau de pain épargné sur son dîner de la veille. Il s'assit près d'une fontaine et commença son frugal repas sans savoir s'il pourrait en faire un second dans la journée. Pendant qu'il était là, une souris s'approche de lui, élève la tête d'un air suppliant, comme pour lui demander l'aumône. « Pauvre petite bête, dit le marchand, tu es donc encore plus malheureuse que moi. Voilà tout ce qui me reste, mais je ne mangerai pas sans toi. » À ces mots, il émiette son pain et le pose à terre devant elle. Son pauvre déjeuner fini, il va boire à la fontaine et, en revenant, que voit-il? La petite souris qui apportait une à une des pièces d'or près de son bissac. Elle en avait déjà apporté trois et elle allait chercher la quatrième. Il la suit, élargit le trou par lequel elle entrait et trouve un trésor.